sortir des mondes noirs. J'oublierai jamais ton histoire. Elle est vraie, tout le monde peut la croire. Cette belle, belle journée qui m'a montré enfin ma destinée. Ce moment, je n'ai même pas osé t'approcher. Tellement que mon cœur s'y pourvoyait. Vraiment, tu m'as tué par ta beauté. Mon cœur a failli éclater. Et tu m'as regardé, j'étais bouleversé. Et tu m'as regardé, ton amour dans mon cœur a percé. عذبتي بشي ما كنت سمع بسمع قلبي غدا الحال تصبرتي قلبك كبرتي وبكيتي وربي وكلتي مو بصوتي نسيتي ضحكتي وضحكت لك الدنيا ما نحملش نشوفك عمري تبكي بركنا يستشفوا فينا عديانانا منهم بلاغي للرب نشكي عارفين تبغيني ونبغيك غارو منك عارفيني تبغيك على بيك